Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde. Nous sommes en hiver, il fait froid, la neige tombe, mais nous arrivons déjà à la fin du mois de janvier. Le temps passe relativement vite et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler jardin et semences. C'est le moment propice pour faire l'inventaire de vos semences et de commander des nouvelles. En choisissant bien sûr des semences anciennes et reproductibles. Pour cela, je nomme l'association Cocopelli, une association qui revendique le droit de semer librement, sans restriction, et les semences doivent être accessibles à tous sans modération. L'association Cocopelli propose de multiples petites choses, mais également de grandes choses, convaincue que chacun peut faire sa part, aussi petite soit-elle. En nous invitant à boycotter drastiquement tous les produits issus de la grande distribution, à consommer local, bio, sans hybride F1, à faire son propre jardin à la campagne et pour la ville à transformer les parcs paysagers inutiles en véritables garde-manger citadins. À informer et alerter toujours plus les concitoyens de la gravité et de l'urgence de la situation environnementale induite par notre mode de vie et particulièrement par notre agriculture. Et enfin, à soutenir les acteurs de plus en plus nombreux de cette révolution fertile. Sur leur blog, l'association partage aussi de très nombreuses techniques et informations liées à la production de semences au sein du jardin familial. Donc je vous disais qu'il est temps de faire le point sur ce que vous avez en stock et recommander si nécessaire. Des légumes à la plante médicinale, il y a un panel de choix. Puis n'hésitez pas à commencer vos semis sous abri. Un calendrier de semis est disponible sur le site de l'association, c'est www.cocopelli-semences.fr. Dans une démarche permaculturelle et humaine, n'hésitez pas à faire du troc de graines avec votre entourage. Partager, échanger, c'est l'avenir. Vous pouvez également faire un plan de votre jardin. Préparer le design, si vous souhaitez le changer, en mélangeant des plantes ou légumes qui s'entraideront. C'est amusant et excitant, je trouve, de savoir ce que l'on va avoir dans l'assiette et d'être fier de ce que l'on crée en harmonie avec la terre-mère. J'aime beaucoup cette petite citation de Pierre Rabhi. « Tout s'édifie à partir de la semence, entre féminin et masculin, et tout décline pour renaître encore. Ainsi, pour que la vie soit, la mort est nécessaire. Et pour que la mort soit, la vie est nécessaire. » À vos crayons, lancez-vous dans cette fabuleuse aventure qui finalement représente la base. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Gémozo, les chroniques des secrets de Mathilde tous les vendredis à 8h et à 13h30. Je vous souhaite une merveilleuse journée.